Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Jean-Pascal remonte sur le ring ce soir, ce qui pourrait être son dernier combat. Moi, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. On en parle avec notre collaborateur Bernard Barré. Salut Bernard. Oui, salut Danny. Bernard, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Moi, Jean-Pascal, c'est son dernier combat. Mais sans que ça marche pas qu'il va aller faire ça à Miami au lieu de Montréal, non? Non, ben moi, je pense que non. Je pense pas que ce soit son dernier combat. Il a seulement 35 ans. Il l'a dit. Comment les boxeurs arrêtent pas de dire ça, les boxeurs? Ouais. Je prends ma retraite. C'est mon dernier combat. Il y a 35 ans, il va revenir, là. Puis moi, je connais assez de gens pour savoir jusqu'à quel point que, il est mêlé un peu, là. Il est stressé. Puis dans un an, dans deux ans, il va revenir. Il va peut-être revenir avant, tu sais. Ouais. Un boxeur, c'est comme ça, là. Fait que moi, j'y crois pas. OK. Ça pourrait être plus un, je sais pas moi, Jean-Pascal contre Lucien Boutet ou quelque chose de même. Il arriverait un bon combat québécois, puis Jean-Pascal pourrait remonter. En tout cas, Ahmed Omani, on dit que c'est un boxeur, un jeune boxeur en pleine progression, en pleine ascension. Est-ce que, mais c'est en plein un genre de combat pour Omani qui est embêtant, puis Jean-Pascal pourrait casser le party, là. Tu sais, ça s'est déjà vu. Je me rappelle de Joachim Hassine contre David Lemieux. Je me rappelle, également de, voyons, Rubio qui avait battu également David Lemieux. Ça peut arriver, là, qu'un jeune boxeur, qu'un vétéran comme Jean-Pascal passe le chaos à un jeune de même, là. Ah, ben oui, c'est sans aucun doute, parce que dans le fond, le gars, c'est pas un grand boxeur, là. Il a une fiche de 16-0, pas battu personne. 13 knockouts, mais je vais regarder, moi, je vais regarder une couple de ses combats, puis le gars boxe droit, il a pas une grosse défensive, c'est pas du gros calibre, là. Donc, c'est le genre de boxeur que Jean-Pascal se serait débarrassé rapidement il y a, mettons, 5-6 ans, quand Jean-Pascal était à son meilleur, ça aurait pas été un combat, là, ça aurait pas été le même ring. Mais là, c'est intriguant, compte tenu que, bien entendu, mais là, Jean, on sait pas trop dans quel état il est. Donc, il y a cette inquiétude-là là, de savoir si éventuellement ben, le gars peut se servir de sa puissance, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a, pour faire mal à Jean, puis le déstabiliser, puis faire un peu ce que Joe Smith avait fait avec Bernard Hopkins. Donc, à ce moment-là, on va le savoir quand même assez rapidement, mais je pense que si Jean-Pascal et Stéphane Larouche, qui ont des égos, là, des gros égos, là, s'en vont pas là faire du tourisme, là. Moi, je fais, hey, c'est mes amis, ça, là, le petit peinture. Là, ils ont parlé, oh, ça va pas bien manquer l'avion, dans nos appels, le poids, gna. Mon dernier combat, mais ils vont embarquer là, là. Les autres, s'ils sont là, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Ouais, c'est, moi aussi, je pense qu'il y a quelque part. Puis il y a me semble que c'est à Fox Sports One. Donc, si ce serait si grand prospect que ça, il serait sur HBO, il serait sur Showtime, non? Ben, c'est bien évident, là. C'est pas un grand combat, ça, là. C'est pas une grosse affaire. Le gars, c'est une vedette locale. Il a des amis là-bas, puis il vend des billets, puis le promoteur est Léon Magless, ben il l'aime bien. Fait que c'est ça que ça donne dans le moment, mais d'un autre côté, je pense vraiment là que Jean va s'en sortir, il va bien s'en sortir ce soir, là, puis il va nous faire honneur. OK. Il y a un autre combat également qui s'est passé la semaine passée, c'est Miguel Cotto contre Saman Ali. C'était tout qu'un combat, je l'ai écouté ce combat-là. Tu sais, il y a des boxeurs que tu peux dire qu'ils ont fait un combat de trop. Exemple, Bernard Hopkins. Roy Jones a fait au moins 20 combats de trop, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais dans le cas de Cotto, on peut pas dire que c'était aussi flagrant qu'Hopkins. Il a perdu, mais... Non, c'était un combat compétitif, mais finalement, il s'est blessé au septième round à un bras, surtout son bras gauche, qui lui est très utile parce que c'est un gars qui lance beaucoup de crochets. Donc, il a été moins performant dans la deuxième partie du combat. Ça l'a donné la chance à Saddam Ali de démontrer son talent. Faut faire attention. Hein. Quand tu t'affrontes, lui, il l'a choisi. Il a dit Saddam Ali, 9e aspirant. Bon, il avait eu une coupe de contre-performance. Donc, il pensait de bien finir avec lui. Mais il demeure quand même que Saddam Ali, c'est un Olympien. C'est un Olympien. Puis là, il a vu l'opportunité, lui, de devenir champion du monde. Puis il a réussi son coup. Donc, tu sais, la boxe, là, des fois, là, tu, ce que tu calcules, ce que tu tes plans, là, mais ton château de cartes, c'est foire, mais là, c'est ça qui est arrivé. Fait que tous les gens qui étaient là, la majorité, la grande majorité, étaient là pour souligner la grande carrière de Miguel Cotto. Puis on voulait sortir dans les bottines du vainqueur, mais là, ça a fait comme une douche froide. C'était très silencieux et même il y a eu des huées. Parce que les gens ont hué sa anomalie, là, mais là, c'est donc pas de sa faute. Il y a une opportunité de devenir champion du monde. Il l'a pris. OK. J'en reviens sur la boxe québécoise. Hier, il y a eu une grosse surprise. Shaquille Pinn qui a perdu. Shaquille Pinn. Ouais, Shaquille Pinn qui a perdu hier. Et ça, c'était pas prévu, mais moi, j'avais vu sur YouTube Raymond Aguinaga. Et Raymond Aguinaga, c'est il a été champion du Mexique chez les amateurs. Mmh. Il s'est promené, lui, au niveau international. Il a même gagné des tournois. Pas de grands tournois, mais il a gagné des tournois. Et, tu sais, pour être champion du Mexique amateur, faut que tu sois bon, là. T'sais, tu peux pas être champion du Mexique amateur puis pas être bon. Ça boxe au Mexique à toutes les soirs, bing, bang, pouf, ça se frappe partout. Fait que le gars qui sort du paquet, là, il est bon. Puis là, il avait une fiche de 11-0, 8 knockouts. Il avait pas battu des grands noms, mais tu voyais qu'il représentait un grand danger. C'était le défi de la carrière de Shaquille Pinn qui était sur une série de 15 victoires. Mais là, la grande différence, c'est que là, Aguinaga, il est rapide. Très rapide, il travaille en combinaison. Fait que là, c'était round après round après round. Et Pinn n'était pas capable de suivre le rythme. Il n'était pas capable de servir de sa puissance. C'est un gars qui est fort physiquement, pas été capable de le bardasser, de venir à bout de le ralentir. Et l'autre a continué, lui. C'était des combinaisons tout le temps, puis des belles combinaisons. C'était pas des combinaisons sans dessin, là. Combinaisons, il terminait sur la cible avec des uppercuts, pif, paf, pouf, il bougeait tout le temps. Donc, il a indisposé Pinn tout le long, et Pinn n'a pas été capable de s'ajuster. Donc, à ce moment-là, il est sorti vainqueur de ce combat-là. Mais ça aussi, là, les partisans de Pinn étaient bien déçus. Là, habituellement, ça crie, ça chante, ça a du fun, mais là, c'était tranquille dans le tabarnouche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, en terminant, je vais y parler la semaine prochaine. Steve Bossé. Steve Bossé, l'ancien joueur de hockey. Steve Bossé, l'ancien art martiaux mix. Là, maintenant, vous l'avez signé, 36 ans. Il part un peu, il veut Hopkins, il veut Roy Jones, il veut Jean-Pascal, il veut Lucien Moutet à 36 ans. Je sens que, tu sais, on en a parlé dans le combat de McGregor, de Floyd Mayweather. Un combattant d'arts martiaux mixtes, c'est un bon généraliste, mais c'est pas nécessairement un boxeur, c'est pas nécessairement. Mais là, Steve Bossé, il va falloir qu'il se calme un peu le pompon, là, avec les noms qu'il a nommés, non? Ouais, mais là, regarde, Roy Jones, il a quasiment 50 ans, là, il a 48, là, 49, il est né en 68. Tous les autres qu'il a nommés, là, commencent à être fatigués, tout ce monde-là, là. Ouais. Bon, Bossé, moi, on peut-tu s'entendre là qu'on est dans l'événementiel? Ouais. On n'est pas là dans la boxe, là, c'est l'événementiel. Bossé, c'est un tough. Bon, il s'arrête que bien bon hockey, mais je suis pas le hockey. Là, il y a 300 combats. MMA, il brassait, puis j'ai vu sur YouTube qu'il cognait dur. Un petit côté ambidex. Bon, il vaut quoi? Il a fait de la boxe amateur un petit peu dans la ligue, là. Ils sont fait une ligue, eux autres, les joueurs de hockey, à un moment donné, l'été, faisaient des combats amateurs. D'ailleurs, je les ai vus à quelques reprises. Bon, là, il s'en va avec ça. Nous autres, c'est l'événementiel. Ça a-tu de l'intérêt? La question, c'est de savoir, ça a-tu de l'intérêt? Ça a de l'intérêt, tu m'en parles. Oui, c'est sûr. Bon, là, à partir de là, moi, je sais pas ce que ça vaut, là. Moi, je connais. Je suis pas un amateur de boxe, je suis pas un amateur de MMA, mais je connais Steve Bossé, parce qu'il a brossé pas mal, puis il est dans les journaux. Là, qu'est-ce que ça vaut, on va le savoir, mais là, ils nous ont approché. Yvon Michel a eu une couple de réunions avec eux autres. Son gérant, c'est Hugo Girard, que tout le monde connaît. Ouais. Puis il veut faire ça. Bon, il veut faire ça, mais nous autres, on a dit, OK, on va y aller, c'est tout. Puis on verra. T'sais, en fait, c'est par les gens bien, par les gens en bac ou en bac pas, c'est... Tu sais, les gens, ils embarquent ou ils embarquent pas, là. On va pas un gamme dans le dos à personne. Non, non. Mais Bernard, en fait, ce que tu veux dire, c'est que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Bah, c'est ça. Mais de toute façon, c'est eux autres qui ont eu l'idée. Ouais. Ils nous ont demandé si on voulait embarquer. Puis là, nous, on a dit, ben oui, peut-être. Ça a de l'intérêt. On ne s'attend pas à faire une fortune avec ça, loin de là, mais si ça a de l'intérêt, pourquoi pas? Ouais. Nous autres, à travers de ça, là, pendant que Bossé va boxer, là, il va avoir peut-être 4-5 boxeurs en dessous de lui, si ce n'est pas 7, de notre gang qui vont pouvoir faire avancer leur carrière. Là. Fait que, wow! Ouais, effectivement. Bernard, on s'en reparle la semaine prochaine pour David Lemieux. Ah, gros combat, la semaine prochaine. Pour toi, pas de problème. OK, Bernard Barry, le collaborateur de boxe.